says, la Bible dit, make every effort to live in peace with all men. Fais tous tes efforts de vivre dans la paix avec tous les hommes. And to be holy. Et d'être saint. Then he says, et puis il a dit, for without holiness, parce que sans la sanctification, nobody, personne, nobody, personne, nobody, personne, will see the Lord. Verra le Seigneur. Did you understand me? Est-ce que vous avez compris? Did you understand this awakening? Est-ce que vous avez compris? But I just want to mention this. Mais je veux juste mentionner cela. In Matthew 25:1-13, Matthieu 25, verset 1 jusqu'à 13, you hear the Lord Jesus himself. Tu entends le Seigneur Jésus lui-même. Talking about his coming, his return to take the church. Parler du retour pour prendre l'église. And he talks about the wise virgins and the foolish virgins. Et les sages et les stupides. And then he says, et après il a dit, that when this hour arrives in the church, this hour, quand cette heure-là arrive dans l'église, when now the church must be ready for enter, quand maintenant l'église doit être prête pour entrer, he says, il dit, that the foolish virgins, que les folles, the virgins stupid, les vierges stupides, they go to the wise, ils ont été vers les sages, and they beg, et ils ont supplié. Hello, hello. Hello, hello. Help us. Aidez-nous. With some oil. Avec un peu d'huile. And if you check very carefully. Et si tu les regardes très finement. That oil. Cette huile là. Is the oil for preparation. C'est l'huile pour la préparation. So they go to beg. Alors ils ont été pour supplier. Hello, hello. Hello, hello. Can you help us? Est-ce que tu peux nous aider? The wise virgins. Les vierges sages. They say no. Ils ont dit non. I cannot give you. Je peux pas te donner. The same Jesus. Le même Jésus. That preached. Qui prêche. That ask. Qui demande. You shall be given. Tu dois le donner. The same Jesus. Ce même Jésus. But when it comes to entry into eternity. Mais quand ça vient de rentrer dans l'éternité. The same Jesus that said, ask, it shall be given to you. Ce même Jésus qui a dit, demande et je vais vous donner. That same Jesus, when it comes to entry. Ce même Jésus, quand c'est à propos de rentrer. Now he changes. Maintenant il change. The foolish virgins ask. Les vierges stupides. They demandent, ask. Ils demandent. And it is not given. Et ils n'ont pas donné. The same Jesus. Ce même Jésus. That said, qui sauve, allô, allô, qui a dit, allô, allô, knock, a frappé, it shall be opened. Ça va être ouvert. If you read the same Matthew 25, si tu lis Matthieu 25, verses 10 and 11, versets 10 et 11, the foolish virgins come and knock. Les vierges stupides viennent et frappent. It is not opened. Ça n'a pas été ouvert. Did you understand why I have to be strict? Est-ce que vous comprenez pourquoi je dois être strict and serious et sérieux when it comes to preparing? Quand c'est à propos de préparer. Because that is about eternity, eternity. Parce que c'est à propos de l'éternité. Eternity. L'éternité. That's why he sent me. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. That's why he sent me with so much power, even earthquakes take place. C'est pour ça qu'il m'a envoyé avec beaucoup de puissance en même temps que le tremblement est en train de prendre place. Probablement de terreur, tremblor. Le tremblement de terre. The terre. That they may know. Qu'ils puissent savoir. That this is now serious. Que ça maintenant c'est sérieux. That they may not go to hell. Qu'ils puissent pas aller en enfer. Listen to me. Écoutez. He says. Il a dit. That when the day arrives, quand ce jour arrive, and the bride is ready, et la fiancée est prête, wearing fine linen, habillée en fin linne, bright and clean, brille et propre, then there will be celebration history. Alors maintenant, il y aura des célébrations historiques. But he's saying, mais il a aussi dit, that he has already shown me the garment of the French Guiana. Il m'a aussi montré la robe de la Guyane française. The church. L'église. And there is a big stain, sexual immorality. Il y a une grosse tache, le péché sexuel immoralité. That stain must be cleaned now before it's too late. Cette tâche-là doit être propre avant que ça soit trop tard. That is why. C'est pour ça. When I come, quand je viens, I come to ignite the repentance revival. Je viens amener le réveil de la repentance. Because only repentance revival can clean away sin. Parce que seulement le réveil de la repentance peut nettoyer le péché. He said, il a dit, that another stain is called the love of money. Il y a une autre tâche qu'on appelle l'amour pour l'argent. Money in the church. L'argent dans l'église, l'argent. And he said, et il a dit, that stain has also to be cleaned. Cette tâche-là aussi doit être propre. The other stain is called abortion. Abortions in the church. Il y a une autre tâche aussi qu'on l'appelle l'avortement. The other stain, l'autre tâche, is called the false prophets in the church. On appelle les faux prophètes dans l'église. They lie to the church. Ils mentent pour l'église. They speak to the church. Ils disent à l'église about the things of the world. À propos des choses du monde ici. The food of the stomach. Ils remplissent leur estomac, the home, the house, leur maison, the car, leur voiture, but their tongues are weak devils. Mais leurs langues sont des démons. Very weak. Très faibles. They cannot pronounce holiness. Holiness, righteousness, righteousness. They cannot. Ils peuvent pas prononcer sainteté, justice, sainteté, justice. Ils peuvent pas. They cannot pronounce holiness. Their tongue is weak. Ils peuvent pas prononcer sainteté. Leur langue sont faibles. The tongue is corrupt. Leur langue est corrompue. Who will prepare the nation of French Guiana? Qui va préparer la nation de la Guyane française? If every pastor, si tous les pasteurs, is greedy for gain, sont voraces pour gagner. I want to go deeper. Can je I veux aller plus profond. About this garment. À propos de cette robe. Now, maintenant, I want to look at the authority of this garment. Je veux regarder de l'autorité de cette robe. Because he says, parce qu'il a dit, that this garment, cette robe là, is critical. Elle est critique to the church. Pour l'église. Is very important. C'est très important for the church. Pour l'église. That's Revelation 19. C'est Apocalypse 19. That we read. Ce qu'on a lu, it is about the coming of the Messiah. C'est à propos du retour du Messie. So that garment, alors cette robe là, is très très important at the time of the coming of the Messiah. C'est très très très important au retour du Messie. He's saying, il a dit, that women are naked in this church. Il y a les femmes qui sont nues dans cette église. He's saying, il a dit, that is a stain. Ça c'est une tache. On the garment. Sur la robe. He's saying, il a dit, that garment is très très important at the time of preparation. Cette robe là est très très très important au moment de la préparation. Moment de la venue de Jésus. Moment de la venue de Jésus. Moment de la préparation. Moment de la préparation. And he says, fine linen, bright. Il a dit le lin fin brille. Meaning, veut dire, you cannot say, tu peux pas dire, non. For me, pour moi, I am ready inside my heart. Je suis prêt dans mon cœur, à l'intérieur. I'm ready. Je suis prêt. He's saying, il a dit, that garment, que cette robe-là, must broadcast your righteousness. Doit vous amener dans la justice. Broadcast television, broadcast. Doit vous amener, annoncer. Announce. Doit vous annoncer la justice. Must announce your salvation. Doit vous annoncer votre salut. You cannot be a secret Christian. Tu peux pas être un chrétien secret. Non. He said, fine linen, bright. Il a dit, meaning people can see it from far. Il a dit, la fin lin brille comme ça les gens puissent. He's saying, il a dit, that this is the hour. C'est l'heure. When the church and the Christians, que l'église et les chrétiens, need to shine the light of their righteousness, doivent allumer leur lumière dans la justice. Look at this now. Regardez cela maintenant. If I am coming with a lamp, si moi j'arrive avec une lampe, my lamp, ma lampe, like this, comme ça, and I come here, et je viens ici, you can see it. Est-ce que tu peux voir? But when I walk into the darkness, mais moi quand je marche dans l'obscurité, with my lamp, avec ma lampe, it will be brighter there. Ça va briller encore plus là-bas. And yet, if you look at the earth now, the earth. Et si tu regardes en terre maintenant, la terre. It is dark on the earth now. Il fait noir. Obscuro dark. Il y a l'obscurité sur la terre right maintenant. Now on the earth. Maintenant sur terre. If you look at the church. Si tu regardes l'église. I have gone to the church in New Zealand. J'ai été dans l'église à New Zealand. In Australia. La Australie. All the way to South Korea. Dans tout le chemin à Corée du Sud. Canada there. En allant à Canada, all the way to Chile, tout le long vers Chili, the whole of Europe up to Finland, et même jusqu'au Finland, I have found that there is darkness in the church. J'ai trouvé l'obscurité dans l'église. That means, ça veut dire, if there is a holy Christian right now in the church, qui a un chrétien saint en ce moment dans l'église. Christian sanctification, the holy Christian. Un chrétien saint dans la sanctification. If there is such a Christian now, est-ce qu'il y a un chrétien comme ça en ce moment? Your light must be brighter. Ta lumière doit briller encore plus. At this hour. En ce moment. Because. Parce que. This is the hour. C'est l'heure. When there is prostitution in the church. Quand il y a la prostitution dans l'église. Prostitution in the pulpit. Prostitution dans l'hôtel. In the pulpit. Sur le podium. Dans le pulpit. Homosexuality is in the church. Homosexualité est dans l'église. This is the hour when your daughters they go naked in the beach. C'est le moment quand votre fille va nue dans les plages. To meet some men. Pour rencontrer des hommes. There is darkness in the house. Il y a l'obscurité dans la maison. And if you are walking in righteousness now, et si tu marches dans la justice maintenant, he says, tu dis, fine linen, fin lin, bright and clean, bright, brillant et propre, meaning, veut dire, if somebody is wearing it, si quelqu'un le porte, you can see, tu peux le voir. He says, oh, look the garment. Tu dis, oh, la robe, elle look, est là. Look, look, the regarde, garment, the regarde. Garment. Wow. They got bright. Brille. Bright. Brille. And he's saying, et ça dit, that the garment, que la robe, look, everybody, regardez tout le monde, fine linen, la fin lin, bright and clean, brille et propre, look now, regarde maintenant, was given, ont été given to her, en fait donné, meaning, veut dire, righteousness, que cette justice, that garment, cette robe, is not for French Guiana, n'est pas pour la Guyane. That garment, cette robe, is for the Lord, c'est pour le Seigneur. He gives the church, il a donné l'église. It is a gift, c'est un don, of the grace and miséricorde, grace and mercy, de la grâce et la miséricorde. You don't have a droit here. You don't have any right over it. Tu n'as pas de droit au-dessus. It is by grace. Ça a été par la grâce. So the church ought to fear. When you wear it, you fear. Alors, you say, wow, it is not mine. I'm wearing the robes of Christ. Alors l'église doit avoir la crainte, la peur. Tu dois dire que je porte la robe de Christ. I am wearing the robes of Christ. I must fear now. Je porte la robe de Christ. Je dois avoir la peur. It is not mine. C'est pas à moi. I have no authority. I have no right over it. J'ai pas le droit au-dessus. Somebody. Quelqu'un. Read with me the book of Philippians chapter 3 verses 8 lis, to 10. Philippians chapter 3. Philippians chapitre 3. 8 to 10. 8 à 10. Philippians chapter 3 verses 8 to 9. Philippians chapitre 3. He said, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I've lost everything. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. I consider them rubbish that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ Jesus, the righteousness that comes from God by faith. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. That garment, cette robe, is a gift of grace. C'est un don de grâce. So we need to fear it. Alors nous devons avoir la crainte. Because parce que those are the robes we are wearing, the robes of Christ. Nous sommes en train de porter les robes de Christ. The robes of Christ. Les robes de Christ. And he's saying, il a dit that garment, que cette robe-là, when you receive it, quand tu le reçois, it will reflect. Ça va refléter. Reflect. Ça va symbolize. Ça va symboliser. Represent. Ça va représenter. The condition of your inside. Les conditions de toi à l'intérieur. The condition of your heart. Les conditions de ton cœur. That garment. Cette robe-là. Represents your salvation. Salute your salvation. Représente ton salut. He's saying. Il a dit. Focus on me now. Regardez-moi. We have read now here. On vient de lire là maintenant. In Philippians. En Philippe. That the righteousness that comes from God. La justice qui vient de Dieu. The righteousness of God. La justice de Dieu. That garment, when we wear, it gives us the righteousness of God. We mere mortals. Que cette robe que Dieu nous a donnée. Est immortel pour nous. Nous sommes mortels. Nous sommes mortels. Nous sommes mortels. But mortal, mais mortels, vestis, they wear the righteousness of God. Ils ont habillé avec la justice de Dieu. How? Comment? Because we know that Adam and Eve, they fell. Parce qu'on sait que Adam et Ève ont échoué. So it is broken. Alors ça a été cassé. But now, mais maintenant, he's saying because of this righteousness, this garment. Il a dit par rapport à cette justice, cette robe-là. Now the Église mortal. Maintenant c'est mortel. Église mortal. L'Église mortelle. In French Guiana. En Guyane. Can now wear. Peut maintenant mettre. The garment of the Lord, la robe du Seigneur, the righteousness of God, la justice de Dieu, that is symbolized by the garment, qui symbolise la robe, and then Église mortal, et maintenant Église mortelle, of French Guiana, de la Guyane, can come and stand like this, peut venir se mettre comme ça, next to the Messiah, à côté du Messie, and say, even me now, I have the righteousness of God, et dire maintenant moi-même j'ai la justice de Dieu. That means, ça veut dire, that the error of Adam, ça veut dire que l'erreur de Adam, the mistake of Adam, l'erreur de Adam, the péché of Adam, le péché d'Adam, has been corrected, a été corrigé, and, et puis, the correction, la correction, is parfaitement, perfect, is perfect. Excellent. Et excellent. When they cut. Quand ils ont coupé. Cut. Quand ils ont coupé. And then they seal. Après, ils ont scellé. And you heal. Et tu as été guéri. There is a sign, a scar. Il y a un signe. Someone can see where the doctor cut. Là, quelqu'un peut voir où le médecin t'a coupé. But you are healed. Mais tu as été guéri. But this one here. Et celui-là. He's saying. Il a dit. There is no scar. Il n'y a pas de coupure. No marker. Il n'y a pas de marque. There is no mark. Il n'y a pas de marque. Perfect correction to wear like God, righteousness of God. Une correction parfaite de s'habiller comme Dieu, la justice de Dieu. When you look, you don't see any sign that there was a problem. Quand tu regardes, tu vois pas de signe comme s'il y avait un problème. I am now discussing with you the authority of this garment. Je vous maintenant discute avec vous l'autorité de cette robe. In Hebrew, en hébreu, I know some of you know that the Lord called me from Israel. Je sais que certains de vous, vous savez que le Seigneur m'appelle d'Israël. In Hebrew, en hébreu, they call it tamim. On l'appelle tamim. That's the root word. Ça c'est le mot hébreu. Tamim. Tamim. Meaning. Ça veut dire. Made whole, there is no sign that it was wrong. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signe comme s'il y avait quelque chose. Made totally whole. Complet. There is no sign. Il y a pas de signe. That something was wrong there. Il y avait quelque chose qui s'est passé par là. The word is tamim. Le mot c'est tamim. If this garment. Si cette robe là. Can allow you to enter. Peut te laisser rentrer. Meaning. Correction totale. Veut dire la correction totale. Parfaitement. Parfait. The same righteousness of God. Cette même justice de Dieu. Listen to what I'm coming to. Regardez où je veux venir. That means. Ça veut dire. Now. Maintenant. This garment. Cette robe. When it enters the church. Quand ça rentre dans l'église. It restores the purity of the church. Ça restaure la pureté de l'église. Restauration. Ça restaure. Perfect restoration. Une restauration parfaite. Restores the purity of the church. Ça restaure la pureté de l'église. Now, maintenant, she can wear the holiness of God. Elle peut s'habiller avec la sanctification de Dieu. Éternel. In Hebrew, I said tamim. En hébreu, on dit tamim. To make complete. Listen to this now. Écoutez maintenant. To make complete. Complètement. To make it complete. Pour le faire complet. Then he says. Et puis il dit. In other words. Autrement. When the church is in sin. Quand l'église est dans le péché. However much you are in sin. Combien de péchés tu es dedans. When I went to Kenya, the church was in so much sin. Quand j'étais à Kenya, l'église était si remplie de péchés. So much. Beaucoup. The pastors with women and girls and pregnancy and everything. Les pasteurs avec les femmes et les femmes enceintes et toutes sortes de choses. He's saying. Il a dit. However much anybody is in sin. However much. Combien de péchés que tu es dedans. If you get this garment, si tu prends cette robe, that sin, cette péché-là, is erased, cancelar, et à côté, cancelar, et a été annulé, annulé, meaning, ça veut dire, now you can stand before God, maintenant tu peux te mettre devant Dieu, and the word tamim becomes blameless. Et le mot tamim veut dire sans faute. Very good. In fact, I was about to define it. It says without fault. Sans fault. No fault. Sans faute. Blameless. Now you can enter. Now no blame. Maintenant now tu peux rentrer. Enter. Maintenant tu peux rentrer. Yeah. Innocent. Innocent. Innocent. Now the innocence is restored. Maintenant les innocents sont restaurés. So, alors, this garment, cette robe-là, of righteousness, de la justice, that I bring to discuss here today, que j'ai amené pour discuter aujourd'hui, has capacity, a de la capacité, to convert a church, pour convoquer l'église, that is in sin, qui est dans le péché, until now she is without sin, blameless, maintenant innocent, innocent, sans fault, no fault, sans faute, sans faute, can make the church blameless, peut rendre l'église sans faute, blameless, sans faute, means nobody can stand up and point a finger at the church. Peut dire personne peut se mettre debout et pointer le doigt. Did you understand? Est-ce que vous avez compris? Again, let me repeat this. Encore une fois, je répète. A life of blamelessness. Une vie sans faute. The life of blamelessness. Une vie sans faute. That this garment brings to the church today. Que cette robe apporte à l'église aujourd'hui. Look at this now. Regardez maintenant. It makes sure. Ça soit sûr. Nobody in this land. Personne dans ce pays. Can stand up. Peut se mettre debout and point at the pastor. Et pointer le doigt vers le pasteur. Look, that pastor is doing that. Regarde ce pasteur, il fait cela. Nobody can do that right Personne now. Personne peut le faire en ce moment. When she wears the garment of righteousness. Quand elle met la robe de justice. Nobody. Personne. At this hour. En ce moment. Should be standing up and pointing a finger at the church. Doit se mettre debout et porter le doigt dans l'église. When the church wears this garment. Quand l'église porte cette robe.